La séparation. J'ai jeté la gourmette. Défaire les liens factices, noués contre mon gré entre toi et moi il y a longtemps. À 5 mois, la robe blanche, le petit bracelet doré, le ruban autour de la tête, et la tête sous l'eau froide. Je pleure. Ma mère raconte que je pleure en voyant le prêtre. Immédiatement. Déjà chiante. Déjà à nous faire honte. Plus tard, 14 ans, je repense au visage du curé, le père Welzer, mieux connu au catéchisme après. Les murs épais du presbytère en pierre. Je pense à lui en découvrant le clitoris dans la baignoire. Un vertige, avec la puissance du jet d'eau entre les cuisses. Et le visage du père Welzer. Qui se fige dans ma mémoire. Ventre agité et tout petit sein tendu. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Notre alliance, toi et moi, ne ressemble plus à rien, depuis que j'ai compris qu'avant moi, aux filles, on leur attachait les mains, pour ne pas qu'elles. Aux fillettes tordues, aux fifilles vicieuses, aux gamines prématurément tentées par la débauche, les cages génitales, les sangsues, l'excision. Le 11 septembre. Pour l'effrayer autant que possible, je fais étalage des réchauds aux charbons ardents. J'y place un énorme fer en hache. Je fais souffler jusqu'à ce qu'il rougisse. Elle est tremblante à la vue de toutes ces scènes infernales. Vous n'avez pas tenu votre promesse, lui dis-je. Le 14 septembre. Cette opération a eu un effet salutaire immédiat. La petite Y est restée sage depuis la cautérisation. 16, nouvelle cautérisation. J'applique 3 points de feu sur chaque grande lèvre et un autre sur le clitoris. Pour la punir de sa désobéissance, je lui cautérise les fesses et les lombes avec un grand fer. Elle jure qu'elle ne faillira plus. Elle s'avoue très coupable. Il est rationnel d'admettre que la cautérisation au fer rouge abolit la sensibilité du clitoris, qu'elle peut entièrement détruire un certain nombre de fois répétées. L'orifice vulvaire qui constitue le second point génésique sensible, étant émoussé lui-même par la cautérisation, on conçoit facilement que les attouchements soient douloureux au lieu d'être source de plaisir. Nous croyons donc qu'on ne doit pas hésiter à avoir recours et de bonne heure au fer rouge pour combattre l'onanisme clitoridien ou vulvaire des petites filles. Démétrius Zambaco, docteur en médecine, chef de clinique à la faculté de médecine de Paris, élu correspondant national pour la division d'anatomie et physiologie de l'Académie de médecine en 1887, membre des académies de Saint-Pétersbourg et Vienne, président de la Société de médecine de Constantinople. C'est le premier souvenir du jour où l'on se fâche, moi et toi. Mais dans la boîte des secrets de filles, après, encore, j'en ai trouvé beaucoup. Des histoires de corps, de contrôle des corps, scrutés de la peau aux entrailles. Je t'écris ce jour, monsieur le dignitaire, le patron des registres, le prélat des perdus, pour que tu les regardes. Les souvenirs entassés dans la boîte aux secrets des femmes pas comme il faut, de celles qu'ils ont chassées, tes copains, tes ancêtres, qu'on a voulu détordre, déposséder, détruire. Par le corbeau noir, par la lune blême, par le ciel et par la terre, la ténèbre et la lumière, par le crapaud gris, par le serpent vert, que les plumes des pigeons blancs, que le lait des chèvres blanches dans l'eau qui dormit trois nuits, chasse tous les sorts maudits répandus sur mon enfant. Tranquille des roseaux, feuilles fines et coupantes qui sifflent, se frottant doucement les unes contre les autres. Le ciel est bas. La brume enfilée par endroits qui frôle l'eau obscure et la grosse bonde close, comme tentant de l'ouvrir, en s'en mêlant autour. Les bêtes crient sans bruit. Un cerf immense traverse le paysage qui se rompt à son allure imposante. Et je murmure des formules magiques pour jouir du décor et de ses doigts qui insistent et se fondent, trempés dans la lumière du matin qui coule du fond du vent. Petronilla de Mit, servante accusée de complicité de sorcellerie avec sa maîtresse, flagellée puis brûlée vive en 1324. Jeanne de Brigue, dite la Cordelière, première femme jugée par le Parlement de Paris pour sorcellerie, brûlée vive en 1391. Guillemette Piron, païenne, fornicatrice de Satan fréquentant les sabbats, suicidée en prison en 1583. Françoise Secrétin, empoisonneuse d'enfants et fornicatrice de Satan, tondue, torturée, morte étouffée par le diable en prison en 1598. Margaret Jane von Allerthausen, dite la grande Marguerite, guérisseuse, torturée, décapitée puis brûlée en 1620. Emprisonnée puis pendue en 1612, manipulée et violée dans le couvent de Louviers, possédée, menacée du bûcher puis emprisonnée à Rouen en 1643. Chiromancienne, avorteuse, pratiquante de messe noire et empoisonneuse, brûlée vive en place publique en 1680. Sarah Gould, mendiante, décédée de 4 ans d'Orcas Gould. Sarah suspendue puis brûlée dans la plaine de Plainpalais, Marie-Catherine, mystique hystérique, violée par Pietre Girard, condamnée à la potence, Elisabeth Proctor, sorcière à Salem Village, emprisonnée, puis pendue en 1692. Anna Guldin, servante du médecin Johann Jacob Tschudi, violée par lui, accusée d'avoir empoisonné la fille de Tschudi, torturée, suspendue par les pouces, les mains attachées dans le dos, des poids attachés aux chevilles, jugé par une cour de proches et amis de Tchoudi et décapité sur la place publique de Glaris, en Suisse, en 1782. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Elles ont volé sur un balai, la peau si redondante. Elles se sont changées en renard, en crapaud, en chat, en corbeau. Elles ont empoisonné, émasculé, maudit. Elles ont ri, elles ont joui. Désir charnel, insatiable. Elles ont craché sur des crucifix, sur des hommes, sur d'autres femmes, sur des ecclésiastiques, sur des maîtres. Elles ont renié Dieu, leur père, leur mère, et tué les enfants qu'on leur avait mis de force dans le ventre, et ceux dont d'autres ne voulaient pas. Elles ont cueilli les plantes interdites pour des potions, des breuvages, des pansements. Elles ont accouché des nouveau-nés en vie et des nouveau-nés morts, en consolant la mère. Elles ont pleuré, elles ont ri. En pleurant, elles ont tout avoué, elles ont dit « Oui, je l'ai fait, j'ai laissé Satan me prendre dans tous les sens, toute la sainte nuit, j'ai menti, je demande pardon. » Elles ont tout avoué, des aiguilles dans le corps, les os broyés, les veines enfoncées, le corps jeté à la rivière, pieds et mains liés. Si tu coules à pic, c'est que tu n'es pas l'une d'entre elles et tu seras morte innocente. La peau nue sous les flammes, les cheveux au sol, traversés des regards de la foule sur la place de l'église, la faim, le froid, les viols, le noir des cachots. Cherchez l'erreur. Le Malleus Maleficarum. Le manuel de la grande chasse, des dominicains Institoris et Sprenger, réimprimé en masse pendant des années, dit bien cela. Quand une femme pense seule, elle pense au mal. Enfin ! Enfin ! Que faut-il penser de ces sorcières ? Sorcières ! Ces sorcières qui, par ce moyen, collectionnent parfois des membres virils en grand nombre. 20 ou 30. Et s'en vont les déposer dans des nids d'oiseaux. Ou les enferment dans des boîtes. Où ils continuent à remuer comme des membres vivants, mangeant de l'avoine. Ou autre chose. Comme d'aucuns les ont vus, ou comme l'opinion le rapporte. Le rapporte. Le marteau des sorcières. Cherchez l'erreur. Monsieur le magistrat, monsieur le grand dévot, et ce cher intendant du grand pouvoir central, l'autorité faite homme. Il y a dans la boîte des milliers de noms de femmes faites sorcières, par vos soins, par la peur, par la savante mécanique de l'ennemi intérieur, du pauvre qui mange le pauvre, détournant le regard d'un monde qu'on lui vole, ces terres qu'on enferme, enclos, haies, murs, barrières, et l'avènement des propriétaires. Chassons d'abord les femmes pour faire une nouvelle ère où nous soumettrons tout, nature, culture et corps. Ce sera cela, la belle modernité, le temps de la discipline. Les femmes. Veuillez rayer mon nom. Les perverses. Je ne suis pas des vôtres et n'en serai jamais. Les insoumises. Celles de la rue. Celles de la nuit. Celles qui dansent. Celles qui parlent trop. Au niveau de la transmission, ma mère, elle m'a transmis, ben, je te dis, ces petites choses, là, les piqûres de guêpes, les petites bricoles que je sais faire, que j'ai transmis à Hélène aussi. Alors, on dit toujours qu'il faut transmettre à un plus jeune que soi. Mmh. Il ne faut pas transmettre à un plus âgé. J'ai tout un tas de petits trucs. Si tu veux, je te donnerai la formule. Tu veux, je vais te la donner, la formule ouais, de... Pour les brûlures. Ouais. Puis t'essaieras, tu verras bien. Mmh. Barrer le feu, ça s'appelle. On barre le feu. Ouais. Ouais, donc tout ça, c'est des petites choses qui se transmettent. Ben, voilà, je vais te chercher la petite formule. L'année dernière, je vais la voir. Une fille de paysan. Une amie de ma mère. Elle connaît les mots. Elle sait les gestes. Alors, pour les guêpes, tout ce qui est frelon, etc. Toutes les piqûres. Mmh. Alors tu dis ça. Voilà. Alors ça, tu fais de la main gauche. Tu vois ça, comme ça, par exemple, sur la plaie, si tu te fais piquer là, tu fais ça avec ton pouce, comme ça. Tu vois, trois fois de suite. 3 fois. Ouais. Même un peu plus, c'est pas grave. Donc ça, c'est pour les guêpes. Alors après, pour les brûlures. Alors ça, c'est une formule beaucoup plus... Saint-Laurent. Aussi vite que la rosée du matin à la Saint-Jean d'été. C'est poétique, ça. Hein, main gauche. On fait beaucoup de la main gauche, la main du cœur. Tu vois, comme ça. Et à la fin, tu souffles en croix aussi, pour barrer. Mais ton corps n'est pas ton corps. Ton corps est à eux. Les savants savent et même ne sachant rien s'autoproclament médecins, ridiculisant femmes sages et sages femmes. Ton corps portera toujours pour eux la marque insensible du diable, vos histoires de bonnes femmes, vos recettes de grand-mère, vos caprices de gamines. Taisez-vous, folles qui parlent aux arbres et pensent avec leur sexe. Si tu as un nez crochu, ou des grosses verrues, des pas de crapaud, ou bien les pieds beaux, un grain de beauté sur le nez, une vieille cicatrice ou des varices, si tu jettes des sorts, sors, sors, sors de ce corps, sorcière, sorcière, à mort, à mort, à mort, à mort. Si tu as un bec de lièvre, si tu as un bec de lièvre, ou les cheveux roux, une tache de naissance, des fautes de partout. Des fautes de partout. C'est inévitable, la marque du diable. On te jette dans l'eau, comme un vieux tonneau. Si tu flottes, belote, c'est pas cool. Si tu coules, c'est pas cool. Si tu jettes des sorts, sors, sors, sors de ce corps. Sorcière, sorcière, à mort. De la pointe de balai vert, gros comme trois doigts, gros de feuilles de bouillon blanc, et faire bouillir le... Drame survenu dans les Landes. Une jeune mère de 28 ans va être mise en examen pour avoir noyé son nouveau-né. La femme, déjà mère d'un garçon de 6 ans et de deux fillettes de 5 et 2 ans, a été placée en garde à vue jeudi à Mont-de-Marsan. La naissance du bébé, qui avait eu lieu sous un pont dans la nuit du 26 au 27 septembre, n'avait pas été déclarée. Après l'avoir allaitée durant toute la journée du 27, la jeune femme vivant du RSA a conclu avec son mari lui-même au chômage depuis un an, ne pas pouvoir assumer financièrement l'enfant. Elle a ensuite prétendu se rendre à l'hôpital de Mont-de-Marsan pour y abandonner le bébé. Mais elle s'est finalement arrêtée au bord du lac d'Agez, où elle a de nouveau allaité l'enfant, avant de le déposer entièrement nu dans l'eau. Apprenant la nouvelle de la mort de son fils par la police, alors qu'il le croyait encore en vie, le choc émotionnel a été très violent pour le jeune homme de 29 ans. Messieurs les dépositaires, les tenanciers de l'ordre, ceci est une décision définitive. Il est donc inutile de me demander une quelconque confirmation. Comme par magie, je vais sortir de vos registres papier, de vos archives, de la vaste mémoire des chiffres, me défaire de votre haine des femmes sorcières, de toutes les femmes, et entrer dans l'oubli de vos institutions sanguinaires. Conformément aux articles 38, 39 et 40 de la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978, cet acte d'apostasie ne peut m'être refusé. Veuillez me fournir à titre gracieux une attestation confirmant cette radiation, Si je ne devais pas recevoir cette attestation d'ici un mois, je me verrais dans l'obligation d'engager toute procédure nécessaire ou de prendre les armes pour obtenir le respect de ma volonté. Des voyantes, des madames soleil, des sujets psy, des médiums, des astrologues, des cartomanciennes, des hypnotiseuses, des guérisseuses, des télépathes, des femmes à part, des féministes radicales, des lesbiennes politiques, des anarcha-féministes, des communistes, des ouvrières en colère, des grévistes, des résistantes, des vierges rouges, des communardes, des pétroleuses, des affranchies, des somnambules, des hystériques, des folles alliées, des viragos, des putains, des putes, des filles de putes, des femmes sans enfants, des mères infanticides, des lesbiennes mères, des filles mères, des castratrices, des avorteuses, des femmes avortées, des salopes, des dangereuses, des femmes fatales, des goules, des vénales, des entretenues, des cocottes, des célibataires, des asexués, des androgynes, des transgenres, des transboys, des transgirls, des pansexuels, des butch, des IFM, des intersexes, des hermaphrodites, des mutantes, des cyborgs, des handicapés, des femmes musclées, des femmes fortes, des femmes bodybuildées, des femmes testostéronées, des durs à cuire, des bikeuses, des camionneuses, des femmes actives, des femmes de pouvoir, des femmes intelligentes, des bas bleus, des femmes intellectuelles, des militantes, des artistes, des femmes précaires, des clochardes, des marginales, des ménopausées, des femmes vieillissantes, des vieilles peaux, des femmes en chair, des femmes obèses, des érotomanes, des femmes à barbe, des femmes voilées, des stripteaseuses, des hôtesses de bar, des alcooliques, des mélancoliques, des meurtrières, des femmes violentes, des femmes à hommes, des misandres, toutes des mauvaises femmes, toutes des sorcières.